Alors, lorsque j'ai été invité à parler dans ce colloque sur architecture et adolescence ou enfance, c'était le sujet, j'étais un petit peu embarrassé pour trouver un sujet à traiter. Et j'avais d'abord pensé parler de Jacques Roubaud en me disant qu'il y aura bien quelque chose à dire. Je pensais au grand incendie de Londres, à aller chercher un peu dans ce grand massif. Et puis finalement, l'échéance approchant, je me suis dit qu'il y avait un texte que je connaissais déjà un peu et qui offrait cette assez étonnante conjonction d'une réflexion sur l'enfance, comment raconter une enfance et une adolescence, et des préoccupations vraiment architecturales dans différents sens du terme, hein, au sens du bâtiment à construire, et aussi bien sûr au sens métaphorique de l'architecture comme métaphore du livre, hein, qu'on trouve par exemple dans La recherche du temps perdu. Voilà, je viens de vous résumer mon entrée en matière. Alors, Jacob Menahem et Mimoun, une épopée familiale, publié en 1995 au Seuil. C'est un livre dans lequel, parti pour écrire l'épopée familiale de ses origines marocaines, le jeune Marcel, c'est pas le petit Marcel, mais c'est presque pareil, le jeune Marcel Benabou, donc cherche à construire ce récit épique, hein, dont il rêve, autour des patriarches de son enfance. Un peu l'équivalent familial d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, hein, si je ne m'abuse. Menahem, qui est le père de sa mère, Mimoun, le père de son père, et Jacob, le père de sa grand-mère maternelle. Hein. Le livre raconte donc à la fois la quête des modèles narratifs, qui fut la sienne, et l'abandon de son projet épique réduit à rester sous forme de fragments inaboutis. C'est le dernier mot du texte. Vous aurez identifié le jeu sur les mots avec Benabou, évidemment. Le projet bien abouti devient un projet inabouti. Donc, dans un premier temps, je réfléchissais sur ce que pouvait représenter ce que j'appelle un projet adolescent, entre guillemets. Donc, à 20 ans, Marcel Benabou, futur professeur d'histoire antique à Paris 7, est élève de l'ENS. Je le cite. À 20 ans donc, 21 peut-être, ou quelque peu au-delà, je ne savais pas encore quelle était ma vocation, ni quelle elle pourrait être. D'autres, non loin de moi, qui quittaient sans regret ni mélancolie une interminable adolescence, prêts à exercer en vrai professionnel le métier de vivre, avait pour l'essentiel résolu ce problème. Rien ne m'empêchait d'en faire autant. À quelques restrictions près, le champ du possible m'était, comme aux autres, grand ouvert, mais je ne faisais pas alors grand-chose pour y planter mon socle. Le projet d'épopée familiale de Marcel Benabou, on le voit, trouve son origine dans les aspirations d'une adolescence prolongée. Il arrive à Paris à 17 ans, comme c'est raconté, page 23. Un refus de passer trop vite à l'étape suivante des âges de la vie, l'âge adulte. Je cite, « Apurement de mes comptes personnels, revanche familiale, réhabilitation communautaire, tout un ensemble de nécessités extérieures et intérieures me dictait mon projet. Ce n'était plus un simple caprice de jeune homme désœuvré, une lubie que j'aurais pu traiter avec désinvolture, mais l'aboutissement logique d'une histoire. » Le jeune Marcel, recherchant les traces de son penchant ancien pour la fiction littéraire, c'est son expression, le voit naître précisément à l'adolescence. C'est aux alentours de l'adolescence, comme tout un chacun, que j'avais fait mes premiers essais dans ce genre. À la fin du récit, la modification du narrateur, la transformation du narrateur est attestée. Il est sorti de cette adolescence prolongée, d'où le désir d'épopée était issu. Nul doute possible, on ne le reconnaissait plus le vaillant paladin de la cause familiale judéo-maghrébine. Il était comme son ancêtre d'élection, devenu AR, autre. Au fil des années, la vie à l'école normale avait insensiblement modifié son rapport au monde et à lui-même. C'était à la page 230, vers la fin du livre. Il est passé des charmes douillés d'une enfance exotique à la routine qu'était devenue sa vie d'adulte. L'esprit critique s'est développé, la distance s'est accrue par rapport à un monde en passe de disparaître. Mais devenu adulte, le narrateur constate qu'après 10, 20 et même 30 années, son projet de jeune homme ne s'est pas estompé. Je pensais alors à ces femmes berbères que l'on croit stériles, mais qui en réalité gardent en elles un enfant endormi. Elles ne le mettront au monde que lorsqu'il voudra s'éveiller. Belle image. Par cette métaphore saisissante, le lien entre l'épopée et les âges de la vie se complexifie encore. Le projet littéraire du jeune homme, poursuivi et réalisé à l'âge adulte, projet qui, rappelons-le, se place sous le signe de trois vieillards patriarches, le projet littéraire donnera lieu à L'Enfant, qui est un livre qui plonge effectivement ses racines dans l'enfance. J'en viens à un deuxième temps de cette intervention que j'avais intitulée « La machine à explorer la mémoire ». Certes, dans son nouvel environnement, je cite Marcel Benabou, « ma mémoire avait fini par apprendre la retenue, la discrétion ». Mais elle n'avait consenti aucun abandon de ses droits. Obstinée, elle n'avait consenti aucun abandon de ses droits. L'épopée familiale de Marcel Benabou, dans sa double dimension proustienne, Madeleine version pâtisserie orientale, et péréquienne, reprise du projet inabouti de l'arbre, peut-être, Marcel nous en dira davantage. Il y a deux références à Pérec dans le texte, page 111 et page 225. Eh bien, une machine à explorer la mémoire. Hein. C'est l'expression de Marcel Benabou qui nous semble combiner hein, la machine à explorer le temps de Wells et puis le projet proustien. Pas d'épopée qui vaille sans une plongée vivifiante dans le passé, écrit-il. Il s'agit non seulement de revenir à l'adolescence et à l'enfance, mais pour le futur historien de l'Antiquité, d'aller gambader dans les siècles les plus reculés. Le travail par fiche, grâce à la méthode dite du lexique, qui consiste à noter les souvenirs éveillés par les mots d'un dictionnaire, produit une masse de données qui devient envahissante. Je cite « Ainsi sollicitée, ma mémoire n'en finissait donc pas de me donner matière à griffonnage. Elle semblait inépuisable. Un autre, plus assuré de la légitimité de son entreprise, se serait réjoui de cette abondance qui manifestait à tout le moins une certaine acuité du regard rétrospectif. » Pour moi, au contraire, je commençais à m'en alarmer comme d'une prolifération maligne. Et j'en venais presque à envier cet ami qui, à mon déferlement de mémoire, avait un jour pu opposer sur le ton du défi un cinglant « Je n'ai pas de souvenir d'enfance hein, ». Vous aurez reconnu l'ami en question, il s'agit de Georges Perec, dans W. La mémoire met en branle une poétique de l'espace, pour reprendre une expression bien connue, qui fait ressurgir à partir de la bibliothèque de l'école normale, équivalent chez Marcel Benabou de la bibliothèque du prince de Guermantes chez Proust, la maison d'enfance, l'école rabbinique, les livres du placard à la porte brisée et de la cave au serpent, tout lieu magique de la maison, la piscine municipale ou encore le cimetière avec ses grands monuments funéraires. On en vient donc aux architectures à proprement parler. Le goût du récit naît chez l'enfant de moins de 10 ans, en parallèle à la construction d'une nouvelle maison, encore en chantier. J'avais pu, semaine après semaine, constater l'avancement trop lent au gré de ma mère des travaux, voir naître les différents espaces qui allaient être le cadre de notre vie familiale. À ce lieu accueillant s'oppose l'école rabbinique, austère et effrayante, une pesante bâtisse carrée qui, avec son rez-de-chaussée surélevé et ses deux étages, paraissait énorme au milieu des maisons uniformément basses des alentours. Au milieu, une cour dallée, sans un brin de verdure, et où il ne pouvait être question de courir ni de jouer. J'y éprouvais une sensation d'enfermement dont je n'ai connu l'équivalent que beaucoup plus tard et à ma grande surprise, lorsque je me retrouvais pour la première fois dans la cour du lycée Louis-le-Grand. La réussite sociale de Menahem, vice-consul et receveur des postes, président de la communauté juive. Menahem, donc, c'est le père de la mère hein, de Marcel Benabou. Donc, vice-consul et receveur des postes, président de la communauté juive de Meknès, puis agent de change, est représenté dans le récit par un bel immeuble de la fin des années 20. Vous voyez, j'ai essayé de mettre en rapport l'histoire racontée et les éléments architecturaux. Cette période bénie, je cite Marcel, s'incarnait à mes yeux dans le fameux immeuble de Rabat. Immeuble moderne, à étages, construit sur un emplacement hautement symbolique, dans le voisinage immédiat de la bien nommée rue des Consuls, au point de jonction entre le nouveau Mella, la Médina et la ville européenne, et à peu de distance de l'école de l'Alliance, il me semblait matérialiser la double ambition qui avait animé Menahem, donner à la famille une assise immobilière digne de son rayonnement, en faire le point de rencontre des différentes cultures qui se partageaient le nouveau Maroc. Donc avec Marcel, c'est pas la peine de commenter, parce que le commentaire est déjà dans le texte, et tout ce que j'aurais pu dire est déjà là. Mimoun, président de la communauté juive de Meknès, après le départ de son frère, doit quant à lui trancher un problème d'urbanisme dans les années 20. Les autorités françaises proposent en effet aux Juifs un nouveau lotissement à proximité des quartiers réservés aux Européens. Tout ce qui est prévu est conforme aux critères de l'urbanisme colonial le plus avancé. Je cite Marcel, large rue rectiligne, éclairage public, école, espace vert, tout à l'égout. De plus, les conditions financières sont alléchantes. Pourtant, ce projet n'emporte pas l'adhésion attendue. Les responsables de la communauté, entraînés par Mimoun, hésitent, tergiversent, s'inquiètent et finissent par dire non. Le nouveau quartier est finalement implanté, non à l'endroit proposé, mais juste à côté, et là c'est moi qui résume, de l'ancien Mella, évitant ainsi la rupture radicale avec le passé. Dans le film réalisé par l'ami d'enfance cinéaste que Marcel voit à la fin de son évolution, il retrouve les images de ces alignements de façades et les images de quelques bâtiments manquants, les cafés-restaurants, l'école, la maison. Image d'un monde moribond qui n'est plus désormais pour lui qu'un simple décor. Donc de ces éléments architecturaux, on en vient dans le texte, ou plutôt tout est constamment mêlé, à une réflexion sur l'édification du livre comme architecture. La dimension adolescente du rapport à la littérature ou à l'écriture qui se manifeste par le choix anachronique de l'épopée est marquée par une recherche perpétuelle de modèles, hein, je le disais en commençant, modèles successivement essayés puis révoqués. Parmi ceux-là, le modèle architectural occupe une place de choix. Je courus d'emblée à ce qui me semblait le plus évident, Proust, et ce fameux plan de cathédrale qu'il affirmait avoir donné à sa recherche. Marcel Benabou renonce pourtant à l'utiliser, non seulement parce qu'il ne comprend pas ce à quoi il correspond exactement, et d'ailleurs il n'est pas le seul, hein, je dois m'associer à la liste de ceux qui ont du mal à retrouver la cathédrale dans la recherche. Hein. Elle existe beaucoup dans les lettres, dans les déclarations proustiennes qui environnent le texte, hein, mais personne ne sait précisément adresser véritablement le plan de la cathédrale à partir du roman sous sa forme actuelle, qui n'est pas tout à fait achevée, comme vous le savez. Non seulement donc il renonce à l'utiliser, non seulement parce qu'il ne correspond, il ne dit ne pas comprendre exactement ce à quoi il correspond, mais aussi et bien évidemment parce que les acteurs du livre sont plutôt en relation avec le judaïsme ou l'islam qu'avec le christianisme à proprement parler, et que en ce sens l'architecture de la cathédrale, qu'il s'agisse de la mosquée de Cordoue, n'est peut-être pas la plus appropriée. Et puisque c'était l'architecture qui, en l'occurrence, m'attirait, dit Marcel Benabou, je me souvenais opportunément que Thomas Hardy avait d'abord été architecte, j'ai appris en lisant le livre, puisque la seule idée de transformer en données textuelles des éléments architecturaux me ravissait, un recours aux édifices religieux juifs marocains s'imposait. Les synagogues sont malheureusement de modestes bâtisses, sans le moindre trait distinctif extérieur. De petites synagogues sont envisagées pourtant pour servir de modèle ou de structure à l'ouvrage. La petite, celle de Rabbi Shemaya, restaurée grâce à Menahem, et la grande, la nouvelle synagogue, dont le père de Marcel a été un des cofondateurs. Marcel renonce néanmoins assez vite. Puisque les modestes bâtisses de mon enfance étaient incapables de me fournir le patron dont j'avais besoin, eh bien j'irai le chercher ce patron ailleurs, dans l'architecture sacrée juive, beaucoup plus haut, on le voit venir, Marcel, au sommet même de la hiérarchie. Et c'est ainsi que je me retrouvais compulsant avec une émotion où filtrait encore un peu de mon goût ancien du sacré, diverses reconstitutions du plan du temple de Jérusalem. Cela avait tout de même une autre allure que la synagogue de Rabbi Shemaya. Bon, effectivement. La construction du livre sur le modèle du temple de Jérusalem s'avère pourtant impossible à son tour. Ça, c'est aux pages 127-128, donc je vais lire le passage. Je découvris ainsi toutes les subtilités d'une organisation de l'espace qui, calquée sur l'organisation même de la société juive, ménageait le passage progressif du plus profane au plus sacré. Ainsi se succédaient les quatre parvis extérieurs, celui des gentils, celui des femmes, celui des israélites, celui des prêtres, puis les trois sections du temple lui-même qui culminaient dans ce réceptacle suprême du divin qu'était le débir, c'est-à-dire le saint des saints. Je passais plusieurs soirées à essayer de reproduire dans la structure de mon livre cette progression. Sans succès, bien entendu. Certes, j'avais bien l'intention de mettre dans mon épopée familiale des gentils, musulmans et chrétiens, des femmes, sœurs, tantes, cousines et voisines, des israélites, simples fidèles, ainsi que des prêtres, rabbins vénérés. De quoi d'autre, grand Dieu, aurais-je parlé ? N'était-ce pas pour l'essentiel cet univers-là que je voulais décrire ? Mais dans mes histoires, ces quatre catégories de personnages se trouvaient constamment mêlées, et je ne pouvais décemment pas tronçonner mon récit pour accorder une partie séparée à chacune d'elles. Navré, je dus renoncer à ce qui m'avait pourtant paru au départ une direction féconde. Bien. On voit que le modèle architectural religieux, séduisant, certes, ne suffit cependant pas à rendre compte de la diversité de l'expérience et du souvenir, et surtout de la manière dont les différentes catégories de personnages, on l'a vu, se mêlent dans le souvenir. Hein. Après un bref détour par des modèles littéraires, cette fois, l'épopée virgilienne, la divine comédie, l'éducation sentimentale, c'est de nouveau vers l'architecture que se tourne le narrateur, adolescent prolongé selon ses propres termes. Le recours à la structure architecturale se fait alors sous d'autres auspices, c'est aux pages 130-131. Dépité, je revins à l'architecture, mais en abordant les choses d'une toute autre façon. Pour éviter l'arbitraire qui avait paralysé mes premières tentatives, je prendrai cette fois mes modèles, non dans des édifices étrangers à mon propos, et dont au surplus je n'avais qu'une connaissance incertaine, mais dans les principaux bâtiments qui devaient être évoqués dans mon livre. M'inspirant très librement des antiques arts de mémoire, qui conseillent aux orateurs d'associer les morceaux de leur discours aux éléments architecturaux d'un bâtiment familier, je me plus à tout regrouper autour de quelques hauts lieux familiaux choisis, encore fortement chargés pour moi et pour les miens, de souvenirs, de regrets ou simplement de rêveries, des lieux qui me semblaient en outre propres à fournir d'excellents titres de chapitres. Voir si l'ouvrage était amené à prendre plus d'extension, ce que je n'excluais aucunement, dans mes moments d'optimisme, je voyais déjà poindre de véritables Rougon-Macquart séfarades, rien de moins. Des titres de volume, un avantage appréciable pour qui s'apprête à écrire une saga familiale. L'articulation s'opère clairement ici entre les bâtiments présents dans la mémoire et l'organisation du livre, par l'intermédiaire des antiques arts de mémoire. Autre manière moins artificielle, sans doute, de construire le livre comme un parcours de mémoire, et on songe ici, bon, pour faire une comparaison avec un roman publié presque en même temps, à deux ans près, au Jardin des Plantes de Claude Simon, présenté comme le portrait d'une mémoire, et dont la structure se modèle partiellement, on s'en souvient, sur l'organisation du jardin qui lui donne son titre. J'avais ainsi, je reprends la suite du passage que j'ai lu précédemment, j'avais ainsi aménagé l'ensemble de mon récit comme un circuit comprenant au moins quatre étapes. On entrerait à pas compter par le jardin de Jacob, miraculeux îlot de verdure, dont l'exiguïté avait fait sourire Pierre Loti en marge de la misère triste du vieux Mela de Meknès dans les années 1880. entre ces hauts murs où étaient peintes des charmilles et ces petits orangers, il accueillerait tout ce que je pourrais retrouver sur l'aventure de Jacob Ohana, les origines de sa fortune, ses rapports d'amitié étroite avec le sultan Moulay Hassan, la dernière grande figure de souverain du Maroc encore indépendant. On se transporterait ensuite à Rabat et l'on s'attarderait dans les différents appartements, dans les différentes pièces systématiquement parcourues et décrites avec leur mobilier et leurs habitants de l'immeuble. Ça aussi, ça nous rappelle quelque chose. Bien entendu, cet immeuble ne serait autre que celui de Menahem, l'histoire des débuts du protectorat, marquée par l'effondrement des structures de l'empire chérifien et l'émergence d'une société nouvelle, servirait de cadre à l'épopée de Menahem et de la branche maternelle de la famille jusqu'au début des années 1930. On reviendrait ensuite à Meknès pour aller pieusement se recueillir au milieu de l'explosion printanière des fleurs sauvages dans le nouveau cimetière sur le tombeau de Mimoun. Ainsi serait abordée, sous forme rétrospective, la chronique de la branche paternelle, le rôle de Mimoun dans l'évolution originale de la communauté juive de sa ville, l'histoire de la création d'un nouveau quartier en seraient les points forts que viendraient compléter quelques récits annexes concernant d'autres personnages, oncles, tantes ou cousins liés à cette branche. Et l'on arriverait en bout de parcours à la nouvelle maison où je pourrais enfin déposer, et pour longtemps, cet ensemble d'accessoires qui encombrait malencontreusement ma mémoire, la lourde porte de fer forgé, les pièces en enfilade, et au milieu du jardin, le jet d'eau tremblant dans son bassin en forme d'étoile. C'est là que se dérouleraient, auprès de mes parents, au milieu de mes frères et sœurs, les épisodes les plus marquants de notre vie familiale, tels, du moins, que ma mémoire me permettrait de les restituer. Alors je continue à lire encore un peu, parce que l'ensemble du passage est intéressant. Encore un paragraphe. Avec chacun de ces lieux, mes rapports directs ou indirects, réels ou imaginaires, qu'importe, n'avaient à peu près jamais cessé. Je pensais donc que je pourrais sans trop de difficulté tirer parti de leur intense valeur symbolique et émotive. Très vite, pourtant, je compris qu'un pareil découpage, malgré les séductions de son apparente logique, n'était pas tenable. Tout simplement parce que mes prétendues étapes n'en étaient pas. D'abord, elles excluaient des pans entiers du passé familial lointain. Tout ce qui était antérieur à Jacob ou proche, tout ce qui était postérieur à la nouvelle maison, que je n'avais aucunement l'intention de jeter par-dessus bord. Ensuite, très inégales en contenu comme en durée, elles introduisaient entre les parties du livre, ou pire encore si l'ouvrage prenait l'extension souhaitée entre les volumes de la saga, un déséquilibre insupportable. Enfin, les héros, comme les événements de chacune de ces étapes, étaient bien trop imbriqués pour qu'il fût possible de sérieusement les séparer. Ma construction architecturale tombait donc comme un château de cartes, et je dus dire adieu à mon idée de circuit. Manifestement, les entrelacs de mon projet ne pourraient se loger dans une structure aussi linéaire. Vous voyez que ce passage semble signifier l'échec, et signer l'échec de la construction architecturale. Mais d'une part, ces textes sur l'architecture, comme vous l'aurez remarqué, font bien partie du livre, et d'autre part, pour citer à nouveau Marcel, toutes ces tentatives manquées ne me semblaient pas pour autant inutiles. Au rythme de mes échecs, je cernais de mieux en mieux mon but. Non, décidément, dit-il, c'est à un modèle littéraire qu'il me faudrait une fois encore, et comme toujours, revenir. Pourquoi pas ces pages du Talmud, etc., que j'avais aperçues autrefois. Ah oui, la suite, non, elle, je me trompe de page. Au rythme de mes échecs, je cherchais de mieux en mieux mon but. Ce que j'ai cherché, en fait, c'était un support, une épine dorsale, un bloc dur autour duquel je puisse exécuter les nombreuses variations que j'avais en tête, tout en me laissant aller sans remords à mon goût pour l'évocation fugace, le souvenir pittoresque, la confidence voilée, bref, tous ces détails minuscules et irremplaçables, sans quoi mes pages risqueraient de sonner creux. Vous voyez ? Donc, les échecs successifs permettent, permettent au narrateur de mieux cerner son projet. La dernière question qu'il faut aborder ici est la suivante. Qu'est-ce qu'il reste du modèle architectural dans la construction finale du livre ? Les modèles évoqués, vous l'avez vu, sont multiples. L'immeuble, on a parlé tout à l'heure, avec bien sûr une allusion péréquienne marquée. L'arbre, page 152, votre allusion sans doute, plutôt au sens de l'arbre généalogique, me semble-t-il, que du modèle organique, hein, de l'arbre végétal. Le puzzle généalogique évoqué à la page 153, encore une comparaison, qui évoque l'ami disparu. Il faut y ajouter les listes dont il est question à la page 200, même si la référence principale est ici les notes de l'oreiller de Say Shonagon. Pirac n'est pas loin. Les notes de chevet, oui. Mais il y a eu différentes traductions, tu sais. Oui, il y a eu différentes traductions. Ils ont des titres. Très joli petit livre. Foucault parle dans la... Pas petit, d'ailleurs. Il n'est pas si petit. Il n'est pas si petit. C'est les notes, c'est les tablettes de buis d'Apronini à Vicia, voilà. qui est plus petit, oui. qui est fait d'après, qui est fait, par Pascal. Quignard. Oui. Donc, les listes, l'énumération des petits détails de la vie quotidienne, la division en rubriques, page 107, histoire ancienne, la division envisagée du livre en rubriques, histoires anciennes, le cercle de famille, le poids des rites, hein, dont le narrateur constate finalement qu'elles ne peuvent constituer les parties de l'ouvrage futur, ou encore la liste des histoires qu'on trouve à la page 158. Et là encore, ça nous rappelle un peu Pérec. Histoire du saint homme qui sauva sa communauté en faisant parler le cadavre du prince assassiné. Mordecai Benatar, date inconnue, 17e-18e siècle. Histoire du rabbin qui fut arraché au gibet par 5 de ses étudiants déguisés en soldats du sultan. Samuel Danino sous le règne sanguinaire de Moulay Yazid en 1790. Histoire de l'orfèvre qui cisela un bracelet d'or pour confondre le faux prophète, persécuteur de juifs, Jacob Bellassène, deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc, tout ça se place dans le cadre d'une volonté d'intégrer un certain nombre de récits dans l'économie globale du livre. Référence à Pérec, d'un côté, et autre grande référence qui a été mentionnée tout à l'heure, c'est la référence à Proust, hein, qui apparaît dans les titres de séquences, vocation, intermittence, hein, et éventuellement livre, mais là on peut penser aussi à Mallarmé. C'est plutôt finalement la démarche proustienne, mais la démarche proustienne dans sa dynamique, hein, qui consiste à faire du récit de l'écriture du livre, le livre lui-même, qui est ici reprise et accentuée, sans une volonté nette de mimer d'une façon ou d'une autre la structure de la recherche, bien entendu. Même la distance ironique avec les illusions adolescentes n'est pas si loin, finalement, de Proust, hein, même si, pour ceux qui connaissent les autres livres de Marcel Benabou, on retrouve un ton qui lui est tout à fait propre, hein, mais je veux dire qu'on trouve aussi dans la recherche cette prise de distance légèrement. Il y a moins d'autodérision, quand même. Voilà, c'est exactement ce que je veux dire. Il y a eu un germe, une esquisse de ce que tu mets en place ensuite. Toutes les structures envisagées sont donc, vous l'avez compris, réfutées, révoqué. Je prends une citation de la page 225. Transformé en livre, ces envahissants monceaux de feuillets, il en était de moins en moins question. Ils avaient maintenant pénétré trop avant dans ma vie, faisaient partie de mon décor le plus familier. Le lien vivant qui m'attachait à eux n'était pas de ceux qu'on peut trancher sans souffrir. Moi qui répugne à devoir quitter ce qui, fût-ce le temps d'une soirée, m'a tenu lieu de compagnie, au point que je fais tout ce que je peux chez moi pour retarder le départ du dernier invité, moi qui ai toujours eu un pincement de cœur devant ce qui s'achève, car je ne puis m'empêcher d'y lire la préfiguration d'autres fins, allais-je supporter de les voir progressivement se dissoudre, devenir paragraphe, page, chapitre, eux-mêmes d'ailleurs, je le savais bien, ne se laisseraient pas faire. Chaque fois que j'essayais de les apparier, de les assortir, de les assembler, ils opposaient à mes manipulations les plus simples comme les plus sophistiquées une étrange résistance. Ils se refusaient littéralement à l'unité et faisaient éclater comme coquilles de noix les unes après les autres toutes les formes, rigides ou souples, dans lesquelles je prétendais les enfermer, comme si leur vocation véritable était de demeurer obstinément dans l'exil et la dispersion. Magnifique fin de paragraphe, hein, qui évidemment fait le parallèle avec... avec le judaïsme, le sort des juifs, etc. Et donc, demeurer dans la fragmentation, dans la discontinuité, semble être le sort du livre qui ne parvient pas à sortir du stade de dossier préparatoire, du moins c'est ce que l'auteur veut nous faire croire, car les étapes de ce dossier sont méticuleusement explorées. Subsiste comme un indice de la composition du texte, l'allusion peut-être, l'allusion au système et jeu combinatoire dont il est question à la page 238, et la référence au labyrinthe de la page 243, labyrinthe finalement édifié pour que nous puissions nous y perdre avec lui. Dans la séquence finale, intitulée « Reprise », l'échec de l'épopée devient succès d'une autre nature hein, par... l'acceptation du caractère de fragment isolé de l'incipit. L'image de l'épave surgit alors, avant que ne revienne par l'intermédiaire des écrits kabbalistiques, la référence architecturale de l'édifice. Alors, on peut lire la fin, à la page 246. C'est encore une fois dans la tradition juive que je devais, par hasard, la trouver. Trouver l'indispensable boussole qui m'indiquerait la direction à prendre. Plus précisément, dans les écrits de quelques kabbalistes que j'aurais bien aimé pouvoir, par quelque artifice généalogique, rattacher à ma famille. Remplaçant le premier mot de la Genèse par une de ces anagrammes, Bereshit au commencement devient ainsi Bécherit avec des restes, ils avaient osé avancer cette affirmation dont l'audace me stupéfia. La création tout entière, oui, le majestueux édifice de la création, avec le ciel et la terre, et les deux luminaires placés au firmament du ciel pour éclairer la terre, et les eaux grouillant d'un foisonnement d'êtres vivants, n'est faite que de débris, d'éclats, de résidus. Grâce à leur intuition, dûment ramenée aux dimensions de mon modeste problème de création littéraire, je pouvais enfin l'identifier, la forme miraculeusement accordée à ma situation et à mes capacités, ni épopée héroïque, ni saga flamboyante, ni grand roman classique, mais tentative pour assembler à l'intérieur d'une narration sans cesse à reprendre, car je suis persuadé que l'on écrit toujours le même livre, les restes éparpillés d'un travail destiné à demeurer inabouti. C'est la fin du livre. Alors je conclue. C'est Amon Queneau, si je me souviens bien, qui définissait les Oulipiens comme des rats qui construisent eux-mêmes le labyrinthe dont ils se proposent de sortir. C'est bien ça. On dit que c'est Raymond Queneau. On dit que c'est Raymond Queneau qui... Ce qu'on prête pour riche. Voilà. C'est-à-dire un peu comme des architectes textuels, un peu... Construire le labyrinthe. Un peu pervers. Alors, cette métaphore, vous l'avez vue, est reprise hein, par Marcel Benabou à la fin de son livre. « Je n'avais su que me perdre dans le labyrinthe que j'avais moi-même » méticuleusement édifié. Hein, page 243. Donc, la structure du livre, vous l'aurez compris au fur et à mesure des lectures, de citations, hein, la structure du livre est à la fois déceptive et humoristique. Le fait de renoncer à la métaphore architecturale fonctionne hein, selon un procédé un peu analogue à celui de la prétérition hein, qu'on trouve dans d'autres livres de Marcel Benabou. Pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres ça fonctionne un peu de manière antithétique. Hein. Marcel nous explique dans un livre qu'il écrit pourquoi il n'a écrit aucun de ses livres. Hein. De la même façon qu'ici, nous explique très sérieusement à la dernière page de son livre que son projet est inabouti alors qu'on vient de le terminer de le lire. Vous voyez, donc il y a une manière très ironique et très amusante souvent de construire à partir du fragment et de faire de l'échec infiniment réitéré un succès final. Donc la manière dont il écarte progressivement les différentes possibilités ou métaphores architecturales n'empêche pas, comme on l'a bien compris, que l'ouvrage soit conçu comme une architecture savante, hein. Non pas sans doute comme celle d'un édifice triomphal achevé ou remarquable par ses proportions ou sa symétrie, mais tout de même d'un édifice. Un édifice peut-être ruiné, fragmentaire, parcellaire, mais construit. Voilà, je m'arrête là. Je donne la parole à Marcel pour réagir éventuellement sur ce que je viens de dire, au cas où il ne serait pas d'accord avec telle ou telle partie de mon analyse, ou pour la compléter comme il le désire. Puis ensuite, on passera peut-être à une vision plus globale de ton œuvre.